montagne, voici 3 ans passés depuis septembre. Un soir pareil à celui-ci, dans les genêts aux gousses d'ambre, a-t-on coupé les genêts verts? Les amants suivent-ils encore? Là où moi je n'évoque qu'en tremblant ce coin de la terre bretonne et ce beau soir languide et blanc où mourait le soleil d'automne. À ce soir adoré, ce soir qu'emplissaient nos deux âmes. Ah pauvre enfant, c'est donc vrai, c'est vrai que nous nous abusâmes. Je sens qu'un nouveau deuil se pose. J'ai peur, rassure-moi, ce bruit, c'est pas furtif près de la porte. Quelqu'un s'est levé dans la nuit, si ce n'est toi que m'apporte. Réveillerait le cœur de mes soupçons, de mes doutes. Toi qui fuis à pas inquiets, je t'avais pardonné ta faute. Pourquoi t'en vas-tu? Je croyais qu'on devait vivre côte à côte. Aux nuits, aux douces nuits d'antan, où sont nos haltes et nos courses? Le vieux saule près de l'étang et les genêts au bord des sources. C'est ici la chanson d'amour qu'on chante au coin des cheminées. L'hiver sur le déclin du jour dans les maisons abandonnées.